mon ami le libertaire, mon vieil ami qui est mort hier, et qui pensait que ce matin, on serait déjà demain. Toi mon ami le libertaire, rassure-toi car ton drapeau restera planté en terre, tant qu'ils n'auront pas ma peau. Et ma peau, elle sera chère, je ne la donnerai pas pour rien. Quitte à crever dans la misère, je crèverai en levant le poing. S'il est un monde après la mort, tu dois bien rire de les voir courir après leur triste sort, ceux-là qui ont peur dans le noir. Et moi de te savoir parti, je n'en mesure que mieux le temps qu'il me reste à tenir en vie au milieu de ces innocents. Bienheureux celui qui comprend que rien ne se fait au hasard, celui-là trace maintenant un avenir en rouge et noir. Toi mon ami, tu y croyais, comme j'y crois aujourd'hui. Et toi mon ami, tu savais comme j'aimerais savoir aussi. Mais les hommes crient à l'utopie, à la chimère, au songe éveillé. Si c'est un rêve, eh bien tant pis, s'il vaut mieux qu'un monde insensé. Et jusqu'au jour de ma mort, je crierai vive l'anarchie. Mon poing sera serré si fort qu'il le sera encore au paradis.